commencé par un espace entre nos oreillers, par un rire qui agace, une envie de respirer. Ton sourire a perdu son éclat. Ta place n'est plus dans mes bras. Ton nom m'écorche la bouche. Je ne supporte plus que tu me touches. Quand je rêve, ce n'est plus de toi. Notre histoire s'achève, c'est mieux comme ça. J'ai plus envie d'essayer, je me suis lassé de toi. Et je suis tombé amoureux, et je suis tombé loin de toi. Je suis tombé désamoureux de toi. Et je suis tombé amoureux, et je suis tombé loin de toi. Je suis tombé désamoureux de toi. Et je n'ai plus envie de t'aimer. Tu les dis, je les entends à peine. Je te réponds par un silence. C'est pourquoi ce soir je tire ma révérence. Tes baisers me laissent indifférent. Mon cœur ne bat plus comme avant. Ici s'arrête notre histoire. Il est temps pour moi de te dire au revoir. Et je suis tombé amoureux, et je suis tombé loin de toi. Je suis tombé désamoureux de toi. Et je suis tombé amoureux, et je suis tombé loin de toi. Je suis tombé désamoureux de toi. Et je suis tombé amoureux, et je suis tombé loin de toi. Je suis tombé désamoureux de toi. Et je suis tombé amoureux, et je suis tombé loin de toi.